Mais faut on en vient à ce que notre conscience soit suffisamment claire pour qu'on puisse suffisamment se dissocier de notre personnalité. C'est quand vous allez pouvoir vous dissocier de votre personnalité que vous allez pouvoir prendre conscience de vous-même. Tant que vous allez trop être attaché à votre personnalité, c'est ça qui cause, lui, ses problèmes là-bas. Parce que notre personnalité doit être au service de l'énergie et non au service de notre ego. C'est dur pour nous autres de comprendre ça parce que c'est en dehors de notre expérience humaine. Ça fait partie de notre expérience surhumaine, transhumaine, overt. Ça fait partie de notre expérience consciente. La personnalité est le reflet de ce que vous êtes parce que ce que vous êtes est conditionné par l'émotivité et la mentalité de votre ego. Sans ça, votre personnalité pourra être simplement le reflet de ce que l'esprit veut qu'elle soit. Non, c'est pas que tu bâtis une personnalité, c'est que la personnalité devient totalement plastique. Moi, durant l'initiation, quand je souffrais énormément, pour balancer mes vibrations, je redevenais un petit gars de 7 ans. Je pleurais comme un petit gars de 7 ans. Puis ma femme me traitait comme un petit gars de 7 ans. Puis après ça, ça arrêtait, puis là, je revenais comme un homme. La personnalité était tout en plastique. J'explique la mécanique de la transformation de la personnalité par les forces. Une fois que l'ego est se conscientise. Ah oui, j'étais conscient, j'étais comme un enfant de temps. Mais je vois le jeu pareil. Je vois le jeu consciemment, mais j'étais dans le jeu. Au niveau de ton ego, ça fait. C'est parce que l'ego n'était pas impliqué que je pouvais le faire. Quand je commençais à dire à ma femme, là, j'étais un dauphin. J'étais un dauphin. Ça, c'était ma sauce quand je prenais dans mon bain. J'étais un dauphin. Ensuite, je disais, j'étais un oiseau. Puis ça a fait différentes significations pour moi, être un dauphin et être un oiseau. Elle a compris ce que je voulais dire. Ça m'a rentré assez difficile. Bon, des fois, je disais, Ibou. Ibou. Ou alors, je pleurais. J'avais 4, 5, 6 modes de transformation de personnalité pour me relaxer de la tension de l'initiation. Puis ensuite, je retombais encore dans ma personnalité plus vieille, normale. Quand t'as un gars de 40 ans qui devient un enfant de 7 ans, je te jure que ça te fait une party. Je n'avais une. C'est pour ça que je vous explique ça. Hey, Gisèle! Tu me connaissais-tu, toi, quand j'étais dans mes phases de bébé, un peu, là? À la fin? C'est ça, j'ai assez de leur expliquer ça, toi. Ouais. La souffrance d'initiation. C'était pour balancer la souffrance d'initiation. Je pouvais pas rire, moi. J'étais 7 ans, je pouvais pas rire. Faudrait que je sois balancé. Non. Je pouvais pas rire. Non. Faut une vibration, ça faut une énergie pour rire. C'est long, 7 ans sans rire. Comment tu m'aurais fait rire? Tu m'aurais fait tuer, je riais pas. T'aurais dit n'importe quel joke, je riais pas. Même je t'aurais donné un choc, je riais pas. Parce que j'étais dans un autre. J'étais en initiation, puis j'initiais à du monde, fait que je riais jamais. Fait que tu comprends que de temps en temps, je partais en ballon. Mais je connaissais le jeu de la ballon. Quand j'étais à la maison, puis j'étais dans mon état de bébé, mes chums étaient là, puis ils attendaient que je chante. Des fois, ça durait 10, 15 minutes, 20 minutes. Puis je mangeais, là, puis je mangeais avec une petite cuillère, là, puis je bavais tout de suite. J'aimais ça. Relaxant. Là, là c'est comme si j'avais quelques minutes là, que j'étais pris en initiation. Il y avait une levée parfaite, totale, là, de toutes les forces en moi. Alors, je tombais là, comme un petit gars. Mais je vous explique ça pour vous faire comprendre qu'il vient un point où la personnalité est dominée par l'esprit et n'est plus dominée par l'ego. C'est à ce moment-là que, que ton ego, tu sens plus ton ego. C'est là que tu commences à être sciemment conscient ou consciemment, tu commences à être consciemment sain d'esprit. Bien sain d'esprit, là, dans ce sens que ton esprit prenne n'importe quelle tangente. Tu es toujours conscient de la nécessité de cette tangente-là pour la transformation de tes corps ou pour l'équilibre de tes corps. Moi, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec vous autres dans 5 ans, 10 ans. Là, on commence, ça fait un an qu'on se connaît. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, vous autres, il y en a certainement parmi vous autres qui vont passer par des changements vibratoires suffisamment grands que si vous n'aviez pas été préparé à ça, il y a peut-être des gens de votre entourage qui se demanderaient des questions. Mais étant préparé à ça, vous allez pouvoir passer à travers. Parce que je vous le dis, l'initiation solaire, c'est absolu. Tant que les forces dérangent rien, mais ça marche. Mais quand, aussitôt que les forces pénètrent et commencent à déranger, ça marche. Mais ça marche à un autre rythme. Ta job, c'est... Moi, j'ai été 10 ans, j'ai pas pu travailler. Puis j'aime ça travailler. Mais tu peux pas travailler. T'as pas la vibration, tu peux pas travailler. Comment quelqu'un te dirait, va te donner une job, tu peux pas. D'abord, tu fonctionnes plus. T'es rendu totalement gorlo ici. Mais je vous dis pas que ça va être demain. Mais il faut que je vous le dise. Pour vous habituer au paranormal, pour vous habituer au résultat de la pénétration des forces de lumière dans vos corps. Parce que autant aujourd'hui, vous essayez de vous comprendre, vous essayez de vous comprendre, autant un jour, vous essayez plus de vous comprendre. T'es plus intéressé à te comprendre. T'es plus intéressé à te comprendre. Là, vous essayez de vous comprendre parce que votre ego, votre personnalité, il y a un jeu entre les deux tout le temps. Mais quand ça descend, ces forces-là, t'es plus intéressé à te comprendre. T'es bien de même. On a beaucoup besoin, il dit, de comprendre des choses avant qu'il arrive. Pour que quand ça arrive, on puisse l'absorber parce qu'on a été préparé, une préparation qui s'est faite. Parce qu'aucun homme, aucun homme ne peut vivre la vibration intense sans qu'il y ait une altération de sa personnalité. Parce que ça change la chimie de tous nos corps. Tu sais, on parlait à soi des esprits non-nés. Puis de l'influence des esprits non-nés dans le domaine de l'homme. Quand on n'est plus influencé par les esprits non-nés, on devient soi-même esprit. Puis quand on devient esprit, on n'a plus de droit On n'a plus de droit à nous-mêmes. Ça n'a plus de sens. Parce que la seule partie de nous autres qui est vitale, c'est l'esprit. Le reste, c'est totalement un support. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on devient occulte. C'est ça que ça veut dire, devenir occulte. Devenir occulte, ça veut dire engendrer en soi-même ou vivre d'une énergie qui n'est pas personnifiable, qui n'est pas liée au corps de désir, qui n'est pas liée à l'émotion et qui n'est pas liée au mental inférieur, au monde de la pensée. C'est là qu'on devient occulte. Centrique. Mais c'est le passage à cet état-là qui est pénible. Quand on parlait à soi de Laurie, là, Laurie est rendu à ce stage-là. C'est quand je dis qu'il faut qu'il en arrive, il faut qu'on passe un mur. Il y a un mur. Il y a un mur vibratoire dans la vie de chaque homme qui rentre dans l'occulte, qui rentre dans le domaine de l'esprit. Il y a un mur. Ce mur-là, pour vous autres, il est peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, mais il y a un mur. Puis ce mur-là, moi, j'en pas un terme, je dis il y a un mur. Mais un jour, vous comprendrez qu'il y a un mur. Puis c'est ceux qui vivent, qui passent à travers, qui doivent passer à travers le mur, qui savent qu'est-ce que je veux dire par le mur. Elle a vécu le mur, fait qu'elle sait que je sais que je veux dire par le mur. Il y a un mur. Puis tu peux pas t'arrêter devant le mur. Il faut que tu passes à travers de ce mur-là. Puis c'est là, quand tu passes à travers de ce mur-là, que tu fais l'expérience du pouvoir de ton esprit. Tu fais l'expérience du pouvoir de ta volonté. Que tu fais l'expérience de la grandeur de ton intelligence. Puis que tu transmutes ta personnalité complètement. Et que tu mets totalement derrière toi ton ego pour entrer dans ta propre lumière que tu ne vois pas nécessairement, à moins d'avoir la vision sur l'autre plan. Mais il y a un mur. Parce que l'ego, pour entrer dans la lumière, sera toujours testé d'une façon ultime quelque part dans le temps. Que ce soit dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans. Mais quelque part, l'ego devrait être testé parce que il faut que le lien entre l'ego et la personnalité, à un certain moment, soit brisé. Puis c'est seulement les forces de la lumière qui peuvent briser le lien entre l'ego et la personnalité. Si jamais l'ego, puis encore moins l'ego spirituel. Mais les forces le brisent, ce mur-là. Puis l'ego, quand les forces brisent ce mur-là, l'ego le ressent, ça, comme un mur. C'est un mur. C'est bien abstrait, c'est un mur. Puis laissez-moi vous dire que dans ce mur-là, qui est tout au niveau de l'esprit, la vibration est extrêmement intense. La vie devient très intense. C'est là que tu rentres dans le couloir qui t'amène petit à petit vers ça t'amène dans le couloir qui t'amène petit à petit vers la vision de ton potentiel suprahumain, vers l'immortalité, vers l'éther, vers l'infinité de ton propre esprit. Parce que c'est concret, l'infinité de l'esprit. Ça, je dis, si vous ne souffrez pas, ben tant mieux. Mais il y en a qui, un jour, souffriront. Parce que le système nerveux doit être développé. Puis le système nerveux, il est développé par les forces. C'est pas l'ego qui développe son système nerveux. C'est les forces. Quand tu te couches le soir et tu ne peux pas dormir, pendant des heures de temps, puis des jours de temps, puis tu te lèves le matin pour aller travailler, ça aiguise ton système nerveux. Éventuellement, les hommes dans la société aiguisent ton système. Tout aiguise ton système nerveux. Éventuellement, tu deviens comme une corde de violon. Là, tu développes une très haute résistance. C'est quand tu l'as, cette résistance-là, que tu es réellement bien dans ta peau parce que tu peux en prendre. Comprends-tu? Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je vous dis ça, parce que ce n'est pas tout le monde qui va vivre ça. Mais au moins, c'est à moi ce petit café-là ou c'est à vous? Mais ceux qui vont le vivre, au moins. Sauront que c'est qu'il y en est. On ne doit pas s'inquiéter de notre corps matériel. On doit en arriver à un point où on ne s'inquiète pas de notre corps matériel. Malade, pas malade. Ben, c'est, il est dans une phase de cet incite-là. Malade, là. Faut qu'il pas qu'il s'inquiète de son corps matériel. Faut qu'il situe la maladie totalement au niveau du mental. Faut pas qu'il s'en occupe, qu'il s'en attache à la maladie émotivement. C'est bien important, ça. Est pas mal bon. Pas mal bon. Parce que c'est l'émotion qui fait mourir, c'est pas le mental. C'est dans ton mental, pas l'émotion. C'est comme vous autres, là, on est ensemble, là. Moi, je parle. Mais je vais vous expliquer ce qui se passe. Quand je vous parle, que ce soit intéressant ou non, vous comprenez ou non, ça n'a pas d'importance. Mais quand je vous parle, il se passe quelque chose. Ce qui se passe, c'est que votre esprit se sépare de votre ego. Puis il se fait une sorte d'union entre votre ego et votre âme. Ce qui vous amène à vous rapprocher de plus en plus de votre intelligence qui ne peut rentrer en vous que lorsque l'union entre l'ego et l'âme est suffisamment grande pour que la lumière puisse passer par travers l'âme et entrer dans l'ego sans être atténuée par votre émotivité. Mais ce qui arrive, c'est que ça cause des conditions, ça cause des conséquences. Les conséquences, c'est la conscientisation, c'est la réalisation qu'on change, c'est la réalisation qu'on n'est pas comme avant, c'est la réalisation qu'on perd de mémoire. Ça de réalisation, suivant chaque individu. Mais il y a une continuité à ça. C'est évident que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans, vous n'allez pas être comme vous êtes aujourd'hui. Vous allez changer. C'est dans ces temps-là qu'il va falloir que vous compreniez que vous êtes réellement on your own et que tout ce qui se passe en vous convient à votre état mental et à votre état émotif selon le cas de chacun de vous autres. Ils ne peuvent pas trop accélérer les changements. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas trop me faire parler dans une certaine vibration. Quand je vous parle, par exemple, c'est plat, c'est parce qu'ils diminuent la vibration. Quand ils parlent, puis c'est le fun, c'est parce qu'ils montent la vibration, mais ils ne peuvent pas toujours monter la vibration. S'ils montrent toujours la vibration, puis toujours la vibration, toujours la vibration, les changements seront trop forts, trop vite. C'est pour ça, des fois, on peut dire c'est le fun, puis des fois, on peut dire c'est plat. C'est eux autres qui contrôlent toujours le débit du langage. Y a-t-il des questions personnelles, là? La peur? Je vais vous dire, ça va. Vivez là jusqu'à temps que vous n'ayez plus. Comment je vous parlerai de la peur, ça ne va rien changer. Vous comprenez? Il y a une différence entre la connaissance et l'expérience. C'est l'expérience qui compte pas la connaissance. Si je vous dis vivez-la, votre peur, c'est plus important que si je vous l'explique. Parce que si je dis vivez-la, votre peur, je vous enlève tous les supports psychologiques qui pourraient vous aider à la comprendre. Pour que vous ne la compreniez pas, mais que vous puissiez la dépasser. Si je me mettais au service de votre intelligence, je ne pourrais pas transférer l'énergie que vous avez besoin pour dépasser la crainte. Mais comme je ne me mets pas au service de votre intelligence, automatiquement, je transfère l'énergie qui vous amène à dépasser la crainte en vous répondant de telle ou de telle façon. Comprenez-vous? Il dit, c'est jamais ce que je vous dis qui est bon. C'est la façon dont je vous le dis. Vous êtes rendu au stage que vous n'avez plus besoin de savoir qu'est-ce que c'est ça ou qu'est-ce que c'est ça ou qu'est-ce que c'est ça. Au contraire, vous êtes rendu au stage où vous n'avez plus besoin de savoir qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça. Mais le vivre pur et simplement, sans paniquer. Fait que si vous sortez de votre corps, vous allez en astral, ne demandez-moi pas qu'est-ce que c'est l'astral. Vivez votre expérience. Revenez dedans. D'abord, vos expériences, ils vont toujours se produire anyway, jusqu'à temps qu'ils ne se produisent plus. Mais c'est pas en expliquant une chose que vous allez dépasser la chose, c'est en vivant la chose que vous allez dépasser la chose. C'est pour ça qu'ils sont pas intéressés à nous donner de la connaissance. Ils sont bien plus intéressés à nous parler d'une certaine façon, qui souvent choque notre ego, puis met notre intelligence en alerte, puis notre émotion sous des épines. Faut qu'on puisse vivre notre vie d'une façon qui est propre à nous-mêmes, à notre capacité. La seule chose qu'on a à savoir, nous autres, les hommes, c'est que on rentre dans la conscience. Si on sait puis on sent qu'on rentre dans la conscience, automatiquement, qu'il se passe n'importe quoi dans notre vie, c'est sans importance. Si tu ne rentres pas dans la conscience, là, c'est un pays de manche. Là, c'est bon, tu saches qu'est-ce que c'est la peur. Pa. Mais si tu rentres dans la conscience, tu n'as pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est la peur. Tu vas le savoir, mais tu le vis. Mais c'est la peur qui arrive des choses. Quelle chose? La peur qui arrive des choses provient du fait que tu anticipes que des choses arrivent. Tu ne sais pas si des choses vont arriver. Tu ne sais pas. Mais mec, arrive. Tu vas voir que avec la conscientisation, tu vas voir comment tu peux passer à travers. Parce que tu en as d'autres qui arrivent. Puis éventuellement, tu n'as plus peu de rien. Mais c'est pas en t'expliquant la peur que tu vas pouvoir dépasser. Qu'est-ce que c'est, ça? Voilà. Mais moi, ouais, c'est placé. Ben ouais. Ouais, mais ça se faisait encore la soirée, vous auriez peur encore, puis éventuellement, vous auriez plus peur. Donc à ce moment-là, vous sortiriez. C'est de même. Et quand même, vous expliquez qu'est-ce que ça a peur, ça n'a rien changé. Vous allez tourner pareil. Vous n'avez rien à dire? Vous n'avez rien à faire. Ça va être le temps. Avec la conscientisation, vous perdez la crainte, parce qu'avec la conscientisation, l'ego se détache de la personnalité. Quand votre ego va être détaché de votre personnalité, vous n'aurez plus peur. Que vous tourniez comme une toupie ou non. Vous n'aurez plus peur. La conscientisation élimine tous les traumatismes qui existent dans l'ego à cause de la personnalité, qui est insuffisante parce qu'elle n'est pas nourrie par l'esprit. Une fois que la personnalité est nourrie par l'esprit, ces traumatismes-là n'existent plus. Oui, il y a des gens qui se matérialisent chez nous dans la nuit, à tous les soirs. On s'assied, on se parle. J'ai plus peur. La conscientisation. Mais avant, je serais descendu en bas pour prendre une chiclette. Chez nous. Ah. Non, non, du monde, pas de principe. Non. Mais j'ai pas peur. Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? J'aurais moins peur de ça que de me faire tourner. J'ai pas de contrôle, là. Ouais. Mais si quelqu'un venait, ouais, vous verrez. Vous saurez me le dire. Vous expliquez quelque chose sur ton affaire. La peur provient du manque de l'expérience occulte de l'homme. La peur provient du fait que l'homme ne connaît pas les lois des mondes invisibles. Si l'homme connaissait les lois des mondes invisibles, il n'y aurait pas la crainte, la peur, parce qu'il les connaîtrait, les lois. C'est parce qu'on ne connaît pas les lois. Mais quand l'homme se conscientise et commence à connaître et à comprendre les lois des mondes invisibles, la peur est aussi étrangère à lui qu'à un petit enfant. Parce que quand tu te conscientises, tu sais que tu n'es plus affecté, tu n'es plus infectable, tu n'es plus affecté. Tu n'es plus affecté par la mère. Moi, il n'y a pas un être qui peut venir chez nous et essayer de me... Je ne sais pas comment vous appelez ça, vous autres. Fait que... Tu ne vis pas dans la crainte. Tu es toujours à l'aise. Mais, c'est l'ajustement des corps qui t'amène là. C'est l'expérience qui t'amène là. C'est la conscience qui t'amène là. Mais, de temps en temps, ils te font... Il change tes conditions astrales pour te faire vivre une certaine expérience de plus haute conscience, même si tu n'en comprends pas tous les aspects. Puis automatiquement, ça crée la crainte parce qu'il y a toujours le lien entre ton ego et la personnalité. Même quand vous dormez, il y a un lien entre votre ego et votre personnalité. La preuve, c'est que quand vous dormez, vous êtes conscient. Y a-t-il un petit peu de conscience quand vous êtes conscient? Donc, il y a toujours un lien. Mais quand il n'y a plus de lien entre ton ego et ta personnalité, à ce moment-là, tu ne sors plus de ta personnalité parce que la crainte est toute dans la personnalité. Et pas dans l'ego. C'est tout le temps. C'est jamais dans l'ego, la crainte. Éventuellement, la personnalité est au service de l'esprit au lieu d'être au service de l'ego. Donc, automatiquement, quand elle est au service de l'esprit, la personnalité, elle n'a plus la même valeur qu'elle avait quand elle était au service de l'ego parce qu'elle ne se prend plus au sérieux. La personnalité, elle prend au sérieux parce qu'elle est au service de l'ego. Elle est constamment influencée par l'ego. Et quand elle est au service de l'esprit, elle est plus influencée par l'ego. Donc, automatiquement, elle ne se prend plus au sérieux. Automatiquement, tout ce qui se passe, il n'y a rien là. Fait qu'il n'y a plus de crainte possible. Je vous ai expliqué quand j'étais à New York au restaurant, que les deux nègres sont rentrés dans le restaurant puis se tiraient, l'un dehors puis en dedans. Le gars qui se tirait en dedans puis l'autre qui se tirait dehors, j'étais quand même une cible, là. Mais ma personnalité n'était pas au service de mon ego, fait que je suis resté là bien assis. Mais si ma personnalité avait été au service de l'ego, j'aurais fait comme tout le monde, je me serais caché en dessous des tables. Là, peut-être, j'aurais reçu une balle par des cochons. Parce que l'ego a ses lois, qui sont déterminées par ses sens. Parce que la personnalité, quand tu es au service de l'esprit, la personnalité est sous les lois de l'esprit, qui n'est pas limité par les sens de l'ego, donc tu n'as pas à craindre. Le gars jette une grenade là, il jette la grenade là, tu restes là, tu continues à parler. C'est pour ça que la crainte, d'ailleurs, c'est pour ça que les gens doivent être amenés petit à petit, petit à petit, petit à petit à la conscience, à la lumière, à l'éther. Petit à petit. Sans ça, les gens ne pourront pas passer à travers. Quand ils disent « ne regarde pas le lumière de Dieu dans les yeux », c'est bien ça. C'est la vérité. Tenez. Parce que la personnalité se prononce bien. Puis l'homme, comme il disait lui à soi, l'homme anthropomorphise tout. Tu peux pas te blâmer, tu vas à l'astral, ou les gens qui vont en astral, ils vont dans des mondes où tout est anthropomorphisé. Mais quand tu rentres dans le miel, quand tu rentres dans l'éther, il n'y a rien d'anthropomorphisé, tout est esprit. Que... La vie de l'ego te amène, l'expérience de ta personnalité est totalement diminutive. Tu vis plus d'expérience. Tu vis d'esprit. Tu es plus au service de l'âme. L'âme est à ton service à toi. C'est toi qui rends le show. C'est normal que vous ayez peur. Vous avez peur, vous, parce que vous avez une sensibilité délicate. Sensible. Les gens sensibles ont peur. C'est normal. Mais il faut qu'on arrive un jour à faire face à l'occulte. On est préparé pour ça, fait qu'on a des petites peurs de temps en temps pour nous tasser. Pour nous tasser, éventuellement. Hein. Tu n'as plus peur de l'occulte. Tu n'as plus peur, autrement dit, de l'invisible, puis du contraste, ou de l'intervention de l'invisible dans le matériel. Ou, ouais, on m'assoit. T'as qui? 2h20? Voilà. Y en a-tu parmi vous autres qui commencent à pas se sentir dans la personnalité? Ça, regarde, n'est pas grave. Il y en a-tu qui... OK. À un certain moment, t'es beau, t'es fin, t'es ci, t'es ça, t'as des défauts. Il y en a-tu qui commencent à sentir qu'ils n'ont pas de défauts et qu'ils n'ont pas de qualité? Il y en a-tu qui commencent au moins? Il y en a qui commencent. Ah, mais si vous commencez, mais vous commencez à rentrer dans la phase qui vous amène à ne pas sentir votre personnalité. C'est la phase qui vient, ça. Définitivement, on se voit différent. Ouais. Éventuellement, tu ne vois plus. Tu te vois tellement différent, il faut que tu comprends pas. Si vous commencez, ceux qui commencent à pas sentir de défauts et de qualité, là c'est un signe. Vous entrez. Parce que le stage après, c'est que tu ne vois pas ta personnalité. Là, tu commences à être. Tu commences à être. T'es drôle des mots, hein? Aïe. Y en a-tu qui ne comprennent pas? Des fois. Ah, des fois, c'est correct. Mais y'en a-tu qui ne comprennent pas? Non, j'ai pas. Bon, vas-y. Y'a trois quarts du temps, tu ne comprends pas. Tu me comprends-tu tout, Mélie? Ouais. Y'en a-tu d'autres qui ne comprennent pas? Pas venir. Pourtant, je suis saint. C'était terre. Ouais. Je peux pas répondre à cette question-là. Ouais. Je comprends. C'est bien sûr que. Depuis quelqu'un qui sort de suite, on se leur parle mot à mot. Ouais, mais c'est pas ça, me comprendre. Me comprendre, tu me comprends. Ouais, mais j'ai pas besoin de répéter, me comprendre. Ouais, j'ai ma main. À un moment donné, tu peux aider. Tu parles. Ça sort, il est une balle. Mais t'as mieux après de pas essayer de le parler. Voilà. Ouais, ça c'est normal. Mais tu le vois. Ouais. Quand tu parles. Ça se tient. Oh, ouais, c'est dans l'esprit, ça se tient. Oh, ouais. Tu nous l'esprit. Ouais. Ouais. Dis, reste chez vous. Lui, il me comprend. Ah, ce qui est dit. Yeah. Lui, c'est extraordinaire. Ouais. Je mettrais mon 30 sur lui, n'importe quand. C'est drôle parce qu'il saute dans l'oreille et il comprend pareil. Il me comprend. C'est extraordinaire. Ah oui, c'est ça que je suis content qu'il y ait des gens comme ça parmi nous autres, parce qu'un jour, ces gens-là seront là pour vous donner un coup de main si vous avez besoin d'un coup de main. C'est qui explique des choses d'une façon différente de la tienne, dans le sens que on a eu une petite rencontre il n'y a pas longtemps. Ouais. Et puis, je pense que il s'adresse surtout, je dirais, à notre intellect. Ouais. Je sais pas si le mot est juste, mais en fait, c'est bien, bien différent. Ouais. Moi, je vois ça comme ça. Ouais. Parce que tout ce que tu dis, la majeure partie du temps, ça ne s'adresse pas à notre intellect. Ouais. On s'en rend compte, puis on essaie d'analyser, puis de synthétiser, en fait, tout ça. Ouais. Moins tu arrives à quelque chose. Ouais. Mais lui, il vous ramène ça. Ouais. C'est probablement le genre de travail qu'il y a à faire, j'imagine, pour moi. Moi, je sais quand. Quand je l'ai rencontré, j'ai dit, tu me comprends, hein? Il dit oui. Puis ça n'a pas longtemps, je l'ai rencontré à l'école, là, là-bas. Tu comprends? Puis moi, je sais quand les gens me comprennent. Putain, c'est simple. En plus, tu comprends, mais c'est important de lever. Ouais, mais non, vous n'avez pas l'air. Ouais. C'est intérieur. C'est intérieur. C'est ça. On se sent bien avec ça. C'est ça. C'est ça le comprendre. C'est se sentir bien avec ça. C'est individuel. Ouais. Toi, tu peux me comprendre d'une façon, l'autre, tu peux me comprendre d'une autre façon, l'autre, d'une autre façon, mais vous comprenez tout pareil. C'est ça. Vous me comprenez, vous? Ouais, vous comprenez. Ça doit être la femme de me comprendre, parce que moi, je me comprends pas. Faut que je m'écoute. Si je m'écoute, c'est intègre, là, je me comprends. Tu sais, je dis, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Mais quand je parle trop vite, j'ai pas le temps, j'ai plus de réflexion, fait que je peux pas me comprendre. Je parle du final, ça s'en va par là. Mais quand je m'écoute, c'est intègre, là, je me comprends. Je trouve ça intéressant. Je parlais de m'en passer qu'il va y avoir un changement que je vais avoir important qui s'en vient là. quel effet il y a quel niveau. Vous ne réaliserez pas. C'est trop interne. Tu veux dire pour la base des gens qui étaient. Ouais. Ceux qui étaient. À mon moment, c'est. C'est intérieur. Oui. Vous me comprenez-vous? Ouais. Vous comprenez-vous? Vous comprenez? Vous aussi, vous comprenez? Facile à comprendre, hein? Tout bon. Puis il dit que je suis facile à comprendre. Vous comprenez-vous? Ah, c'est clair. C'est clair. Puis il est comique. Parce que lui, il ne me comprend pas comme vous me comprenez. C'était tout un autre pattern. C'est tout un... Là, il y a une autre tuyauterie. Ouais. Plus tu commences à me comprendre pas mal, hein? Ça comprend, Ouais. Moi, j'essaie de comprendre ce que ça veut dire comprendre quelqu'un, mais j'ai bien la difficulté à comprendre. Si tu me parles, toi, là, quand tu me parles, là, souvent tu me parles, je te comprends. Mais c'est pas que je te comprends. C'est que je prends tout ce que tu me dis et je le mets dans mon. Mon intellect ne bloque pas avec ce que tu dis. C'est pour ça que je te comprends. Si mon intellect rentrerait là, je ne comprendrais pas parce que j'essaierais de te comprendre. On a dit ce que je veux dire? C'est ça que vous faites, vous autres. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ouais. Hein? C'est vrai, ça marche. On essaie plutôt d'écouter que de comprendre. Ouais, écoutez. Me comprendre ou savoir ce que je dis? Savoir, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, il n'y a pas de différent. J'ai toujours l'impression que je comprends. Je ne sais pas du tout savoir ce que je dis. Ouais. Comment l'interpréter? Parce que je vais le développer. Ouais. Ça aussi, c'est à développer. Ouais. Ouais. Il y a toujours une suite. Ouais. Je peux pas développer. Je peux pas développer avec vous autres. Il y a trop de choses. Hein. C'est infini. Fait que je parle un petit peu de ça, un petit peu de ça. Puis ensuite, je reviens un petit peu de ça, puis je le développe. Je vais à l'autre affaire, puis je développe. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'on se détache de connaissances pour entrer dans la vibration, puis je développe. Ah. Bon. Si tu as une route, tu t'en vas sur une route, qu'elle soit 10 000 ou 100 000, comment tu manges dessus? C'est un petit peu de main. Mais l'inscription que tu nous donnes, elle s'arrête au moment où nous autres mêmes, on peut la voir nous autres mêmes. Ouais. À ce moment-là, on est dans la danse. Simplement. C'est ça. Si tu me parles d'une route, c'est bien bien tu nous expliques toutes les détours. On va retenir ceux qui sont proches, les tests. C'est ça, exactement. Après ça, on voit les grosses tours, les grosses montagnes, mais tu nous donnes. Ouais. Ça, je dis, dans ce temps-là, c'est pas important. Un jour, ça va être important. Comme ça, il va en avoir d'autres plus loin, il va dire c'est pas mal. Ouais. Vous ne comprenez pas qu'une coupe de roue, le mot.